je suis là désœuvré, désœuvré. Tu m'as plombé, plombé, à force de t'écouter, je suis désœuvré, désœuvré. Tu m'as plombé, plombé, à force de t'écouter, je suis désœuvré, désœuvré. Mmh.